Vous écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, de CIVR à Yellowknife, de CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du souspressionpunk.com. Restez à l'écoute. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de punk, sky, hardcore, francophone, évidemment en français, francophone, qui diffuse à tous les semaines à partir du souspressionpunk.com, mais aussi à la radio. Alors, si vous êtes à Ottawa, vous l'écoutez au CHU 89.1 FM. Si vous êtes à Yellowknife, c'est au CVR 103.5 FM, la radio Taïga. Et si vous êtes à Iqaluit, c'est au 107.3 CFRET. Alors, plein d'options, là. Et partout dans le monde, bien sûr, au souspressionpunk.com. Je m'appelle Mathieu et je vais être avec vous pendant 60 minutes, là, pour faire jouer, comme j'ai dit, du punk, du sky, du hardcore tout en français. On a commencé l'émission avec du faux départ. J'ai reçu leur démo il y a quelques, ça fait peut-être un mois ou deux, puis j'avais l'intention de les faire jouer plus souvent, mais j'ai un peu oublié. Alors là, je me suis dit, faudrait les faire jouer. Alors j'ai fait jouer le morceau Regard d'acier de leur premier album, leur démo. Là, je continue avec Les Secrétaires Volantes, un autre groupe que ça fait longtemps que j'ai pas fait passer en nombre. De leur album Thermoplastique, c'est le morceau Planète Basseville. Alors voici Les Secrétaires Volantes. We'll be right back. jamais quoi penser. Quand ça fait une couple d'années qu'on ne sait pas parler, qu'on a tout arrêté. On était jeunes, on était grands, on savait pas que la vie c'est long. À 16 ans, on voulait se marier et s'aimer pour l'été. Ça ne dure jamais pour l'éternité. Ça ne dure jamais pour l'éternité. Ça ne dure jamais pour l'éternité. Ça ne dure jamais pour l'éternité. Je t'ai dit, c'est très calme, Swiss. C'est la chiquée de la culture. C'était Zabriskie Point avec le morceau Champion du Monde tiré de leur album Des Hommes Nouveaux du Imodium avant ça, groupe de Monaco, avec le morceau Apocryphe de leur album Conte de Fées, les Prostitutes de leur split avec Bonne Journée, le morceau Éternité, et on a commencé le bloc avec les Secrétaires Volantes, le morceau Planète Basseville de leur album Thermoplastique. Si j'ai de la misère ce matin, c'est pour ça que j'ai de la misère. D'habitude, j'enregistre l'émission, j'enregistre à partir de chez nous, petit studio maison, et par studio, bien sûr, je veux dire mon salon. Et c'est parce que d'habitude, j'enregistre l'émission le soir. Là, je le fais le matin parce que mon travail me le permet pas. J'ai plein de choses à faire. Alors, je suis pas encore réveillé. Ça fait seulement 15-20 minutes que je suis réveillé. Alors, vous avez l'impression que j'ai pas toute la tête dedans, c'est à cause de ça, mais on va voir ce que ça va donner. Alors, ça va faire un résultat intéressant. En tout cas, là, je continue avec du Verlet de leur album Ni un paso atrás. Je vous fais jouer le morceau Les Tranchées. Alors, voici du Verlet. Hey!

Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter un morceau de Brutal Chéri de l'album Cours ou Crève. C'était le morceau C'est indiqué, t'es obligé. Avant ça, on a écouté du Poésie Zéro de l'album Bleu. L'album Bleu sorti en 2012, pas celui sorti en 2014. Le morceau punk acoustique du Jeunesse Impétrée d'avant ça avec Destruction de leur album La Victoire Sommeil, La Gâchette avec Villanueva. Et on a commencé le bloc avec du Verlin de leur album Ni un paso atrás, le morceau Les Tranchées. Alors là, on est rendu à mi-chemin de l'émission. Je vais vous dire, comme je vous dis à toutes les semaines, que l'émission Sous Pression a un site web. C'est bien sûr, si vous écoutez à partir du site web, vous le savez déjà. Alors là, je vous apprends rien de nouveau. Mais si vous écoutez à la radio à Ottawa, Yellowknife ou Iqaluit, allez checker souspressionpunk.com. L'émission est basée à partir du site web. Alors, il y a la liste des chansons qui passent à l'émission à chaque semaine sur le site web. Ainsi, vous pouvez aussi écouter, réécouter et télécharger l'émission à partir du site web. Alors, allez checker ça souspressionpunk.com. Sinon, si vous êtes Facebooker ou Facebookeuse comme moi, vous pouvez aimer l'émission. Je sais pas si vous avez l'entendu, mon chat vient de sauter sur la table. En tout cas, j'étais rendu tout mêlé. Sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission, c'est facebook.com/sous-pression. Allez aimer l'émission, ça serait cool. Sinon, envoyez-moi un message info@commercial-sous-pression-punk.com. info@commercial-sous-pression-punk.com, une adresse courriel ou mail. Et c'est ça. Je vais continuer la musique avec le bloc Sono Mondial, moment où je fais jouer des chansons par des groupes à l'extérieur du monde anglophone et francophone. Cette semaine, c'est un groupe que j'ai peut-être déjà fait jouer, je me rappelle plus, là. Ça fait presque, je pense, 2 ans que je fais le bloc Sono Mondial, alors c'est difficile à me souvenir de tous les groupes que j'ai fait jouer. Un groupe qui chante en espagnol, mais qui vient de la France. Je pense que j'ai fait la même chose la semaine passée, mais cette semaine, c'était pas voulu. En tout cas, le groupe s'appelle Sinaction. Je vais faire jouer 2 morceaux d'un EP éponyme qui ont sorti. Les morceaux s'appellent Involution et le morceau Razón de Expulsion. Alors voici du Sinaction, la sous-pression. We'll be right back. c'était Sinaction avec leur morceau Involution et Raison d'Expulsion. Je fais jouer maintenant un groupe, le groupe Puta Vélo qui vient de sortir un album Solution Protocol. Le morceau s'appelle Théophile. Voici du Puta Vélo. Yeah.

chaque fois. On se casse la tête pour que ça marche comme si on n'avait pas de choix. Et je veux m'en aller, en même temps je veux rester. Dans ma tête vide ancienne, c'est bien trop magané. Je veux m'en aller, en même temps je veux C'est du Cochise de leur album Là où danse les morts, le morceau Scène de racisme ordinaire. Du Justine avant ça, de l'album Des plus et moins, le morceau Article 3. Nick à feu avant ça, du Split avec Fortune Cookie Club, le morceau 15-2, 15-4. Je l'aime vraiment, ce morceau-là. C'est une vraiment bonne chanson. Avant ça, on écoutait du Ashigan de leur album La Société du Mépris, le morceau M'étendre sur la glace, du Lorelei avant ça avec Déferlante, le morceau Un jour comme les autres, très bon groupe. Les Erreurs avec Beaux Animaux, et on a commencé le bloc avec du Pute à vélo, le morceau Théophile tiré de leur album, leur nouvel album, leur premier album, Solution Proticale. Et je crois que Pute à vélo seront planifiés, sont en processus de planifier une visite au Canada, alors je vais vous tenir à jour avec ça une fois que j'ai des infos. Mais je vous laisse avec un dernier morceau, le morceau Alerta de Punk Ein Roll de leur album éponyme sorti l'année passée. Alors c'est ça, passez une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine, voici du Punk Ein Roll avec Alerta. La haine de l'étranger. Mais il n'y a pas que le racisme est présent. La France a voté pour ceux qui expulsent des enfants. Toulouse, antifasciste. Ne laissons pas s'installer la dernière raciste. Tolosa, antifasciste. Tournons le dos à la haine que le passé connaît déjà. Sexualité qui ne regarde que nous seuls et vos putains de religions. Ils sont pas étrangères, elles prennent l'exclusion de tout ce qui diffère. Toulouse, anti-homophobie. Ne laissons pas se renforcer leurs idées pourries. Tolosa, anti-homophobie. Tournons le dos à la haine, chacun fait ses propres choix. Insultes et préjugés reviennent au quotidien de toutes les minorités.